Eh hey, Raph, quoi? c'est quoi le film qui te hype le plus en ce moment? Honnêtement, c'est Aladdin avec Kev Adams. What up, PH? Et le seigneur Aragorn? Où est-il? Il est tombé. Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de... Bonjour, bonsoir, tagazok à tout le monde. Bienvenue dans Le Pavé, un podcast proposé par Les Savoureux avec Mathias. Salut à tous. Hashtag gendarme. Raphaël. Salut, bonsoir à tous. Vicoloco. Oui, c'est moi. Et personne ne me présente, mais moi c'est Kawan. Donc bonsoir, bonjour et bonjour à tout le monde. Donc... Dans ce podcast, on va parler de tout et de rien, mais surtout de ce qui fâche. Et le thème de l'émission d'aujourd'hui, ce sont les blockbusters Kleenex. Alors Raphaël, toi qui es le père de cette expression, le blockbuster Kleenex, dis donc. Que veut dire le blockbuster Kleenex? C'est la troisième fois que je le répète, mais c'est pour que ça rentre. Mais qu'est-ce que c'est, Jamy, le blockbuster Kleenex? Kleenex, pardon. Alors c'est très simple, Fred. Exactement. Alors les blockbusters Kleenex, c'est une réflexion que je me suis faite au cours de l'été. Parce que comme vous le savez peut-être pas, chaque été, il y a cette grande saison des blockbusters qui commence, qui s'avance de chaque mois, chaque année. C'est-à-dire que maintenant, ça va être au mois de janvier, la saison des blockbusters, jusqu'au mois de septembre. Et vu les films qui sont sortis cette année, je me suis rendu compte que les films sortaient, ils faisaient leur semaine, comme ça, pépère. Et au bout d'un moment, au bout de deux semaines d'exploitation, on les oubliait. Ils tombaient dans l'anonymat, dans l'oubli général, et du coup, je suis en train de me demander si tout ce qui se fait maintenant, c'est pas à consommer tout de suite, et que ça sera voué à disparaître. Ça serait du fast movie, en fait. C'est ça, c'est un peu du on fast food de ça, audiovisuel. Puis après, ça tombe, exactement. On l'oublie, ça nous en touche une sans bouger l'autre. Et c'était quoi le premier blockbuster de cette année? C'était Fast and Furious 7. Non. Si oh, t'es sûr? C'est celui qui est ouvert. Si, c'est celui, où c'est lui, celui et après, ça a été Avengers 2. D'accord. Et ce postulat de base, j'aimerais ajouter l'argument qu'en fait, on retient que ceux qui font du chiffre, donc Jurassic World, Fast and Furious par exemple, et qu'on juge cette réussite purement hollywoodienne par l'argent et pas par la qualité du film. Et si c'est pas un critère d'exigence un peu nul. Un peu supermarché vis-à-vis de ça. Ouais, de proposer du truc qui va flasher, mais voilà. Au final, ça va être juste un argument de vente qui va rameuter du monde, mais au final, ça apporte rien. Ça apporte juste des gros yeux. Et... Voilà. Donc, je sais pas, ton avis, Mathias, par exemple, sur ça, qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, je suis pas du tout allé au cinéma cet été. Et moi non plus. Ah bah ça sent bien, les mecs parlent vraiment d'un sujet qui... Ouais, ça nous touche vraiment. Donc on va vraiment critiquer des films, on les qu'on a pas vus, on s'en bat les couilles. Enfin moi j'en ai vu quelques-uns, toujours au début, tu vois, juin, juillet, j'essaye de regarder à peu près. Mais ouais, j'ai oublié aussi de dire au début que normalement, alors on a eu, je sais pas si, comme tu dis Mathias, t'es pas allé beaucoup au cinéma, parce que c'était un peu la vache maigre niveau blockbuster cette année. On a eu du remake et de l'adaptation. Ouais, c'est surtout ça aussi. On a une surabondance de remakes. Et pourtant, c'est bizarre parce que, je vais dire dans le temps, mais il fut une époque, il était une fois, où on pouvait avoir des remakes ou plus des suites, mais qui marquaient toujours. Dans ma tête, ce qui vient le plus, c'est un Terminator 2 qui a marqué tout le monde. Et là, il y a Terminator Genesis qui arrive. Et est-ce que quelqu'un s'en rappelle ou est-ce que quelqu'un est allé le voir? Non, mais apparemment, il est très drôle parce qu'il est très nul. Voilà. Mais après, il faut aussi tous les blockbusters qui sont sortis. C'est comme tu disais, des réadaptations d'un film ou le retour de grosses franchises entre Terminator, Jurassic World, etc. Il y a Ant-Man aussi, Ant-Man. Côté de chez Marvel. Alors, la raison pour laquelle c'était aussi un peu une petite période cet été, c'est que en fait, DC Warner a annoncé la sortie de Batman Superman pour 2015. Donc, il y a deux ans, c'était à deux ou trois ans au Comic-Con. Et en fait, les mecs, les autres boîtes de prod ont eu super peur parce qu'ils ont vu le monstre arrivait. Et ils ont mis en chantier des prods un peu maigres parce qu'ils savaient que c'était lui qui allait prendre toute l'attention tout l'été. Ils veulent essayer de contrebalancer ça, en fait. Voilà. En attirant le public avant. Et, en plus, c'est ça qu'on voit. C'est, on est hypé par plein de films qui vont sortir l'année prochaine, dans 2 ans. On voit des gros monstres arriver vraiment au loin. Mm. C'est, dans 3 mois, sort Star Wars 7. Dans l'été prochain, c'est, comme tu disais, c'est Batman Superman. Il a été reporté, ouais. Et il y a tous ces gros blockbusters, ces gros trucs qui sont attendus par tout le monde qui arrivent. Et du coup, en attendant, on a l'impression qu'ils tirent un peu trop sur la vache à lait. Et on voit plein de gros trucs, entre guillemets, émerger comme ça, on sait qu'ils vont sortir, au cinéma dans un mois, il y a une grosse com qui est faite, et au final ils sortent, et quand ils ne passent plus au cinéma, on a l'impression qu'ils ne sont jamais passés, qu'ils étaient là, puis ils n'étaient plus là, et tout le monde s'en bat les couilles. J'ai l'impression que, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est que la campagne de com, elle te vend un truc, attention Mathias, que finalement, quand tu vois le produit fini, bah, tu dis bah la com était mieux. Et j'ai l'impression que cet été, ça a été vraiment des campagnes de com sur campagnes de com et pas des films. Et enfin, je sais pas, c'est... Bon, ok, mais après, il y a eu Mad Max qui est sorti, on est tous d'accord pour dire que c'est le film de 2015. Je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu ? Non. Okay. Victor, comment ? J'ai un problème aussi avec cette année, c'est que j'ai l'impression qu'il y a... Parle plus dans ton micro. De plus en plus de films de super-héros qui passent à la trappe. C'est-à-dire, en gros, bah, j'ai l'impression que les grosses franchises de Marvel et de DC Comics commencent vraiment à être, c'est-à-dire à être oubliées, ou ça excite beaucoup moins les gens. Mais je parle même du Batman contre Superman. Moi, je suis pas du tout, pressé qu'il sorte ce film. Moi, ni chaud ni froid, même quand la bande-annonce était sortie. Voilà, ça me provoque rien du tout, quoi. Après aussi, ça dépend des personnes. Et ouais, ça dépend ton... Moi, je parlais tout à l'heure de Batman contre Superman. Pareil, j'ai pas ce ressenti d'absolument aller le voir. Mais je sais que beaucoup de monde l'attendent, mais comme pas possible. Ah oui, mais après, ça dépend des goûts. Y a ce que... Toi, Raph, tu peux vraiment parler. T'es la caution comics. Bah, c'est surtout que c'est l'adaptation d'un run de Frank Miller. Et si c'est bien fait, ce sera vraiment un affrontement titanesque. Et je pense que beaucoup de gens, si vous suivez à peu près ce qui se passe autour du film, c'est que ça va être aussi une jeunesse de la Justice League, et que de toute façon, tout ce délire d'univers partagé, que ce soit Marvel et DC, et au-delà, parce qu'il y a eu Ghostbusters qui a été annoncé, où ce sera aussi un univers partagé, les X-Men aussi. Et j'ai l'impression que ça tue les films, parce que en faisant partie d'un tout, la singularité de chaque film, elle se perd par rapport à toute l'histoire qui englobe l'univers. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Après, c'est plus des films, c'est plus des séries, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est Batman vs Superman, t'as pas peur que ça fasse, dans un film de 2h, 2h30, ça soit suffisant pour... Non, c'est pas suffisant. Pas... Pour le truc, parce que s'il y a les affrontements... Enfin, il y a eu un truc qui est sorti avec Batman vs Superman en animé. Il est cool, il est en deux parties. Oui, il est en deux parties, justement, c'est pour ça que j'y pensais. Bah, justement, j'ai peur que cette adaptation-là soit une meilleure adaptation de The Dark Knight Returns, donc de Frank Miller, que Batman Superman. Après, Batman Superman, c'est pas une adaptation pure et dure. On prend des éléments à droite à gauche, la structure de l'intrigue, à mon avis, sera pareil. Tout l'aspect visuel autour du Batman sera pareil. Et il y a déjà... Il y a eu Suicide Squad aussi qui a été annoncé cet été au niveau du Comic-Con, tout ça. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a déjà des théories qui fonctionnent entre Batman Superman et Suicide Squad, alors que les films ne sont pas sortis et on ne sait pas encore ce qui se passe l'un l'autre. Et il y a déjà cette espèce d'idée d'arc narratif qui existe. Et pour moi, non. On doit d'abord penser à chaque film et après les liens qu'ils font. Enfin, c'est peut-être une... Enfin, le débat, il va peut-être se tourner contre les grosses franchises, les multiverses, etc. Ouais. Mais je pense que ça tue la singularité de chaque film et ce qu'est un blockbuster, parce qu'au final, en faisant une masse, ils se noient tous dedans. Oui, c'est ça. Et ce que je voulais dire, c'est que ce qui se fait le plus attendre, c'est généralement du film de super-héros. C'est vraiment tout ce qui est tiré de l'univers comics. C'est l'abondance. Enfin, entre Marvel qui a diffusé tout son planning de films jusqu'à 2021, On bouffe du super-héros et on a l'impression que le blockbuster maintenant c'est que du film de super-héros, c'est rien d'autre. Alors qu'il y a eu Maggie qui est sorti entre temps, il y a Terminator Genesis. Mais Pixels aussi. Pixels, c'est tout ça, c'est des blockbusters. Mais tu l'avais déjà oublié, Victor. Je vois la tête de Victor, il avait déjà oublié que Pixels était sorti il y a un mois. Tu vois. J'avais oublié que Maggie était sorti. Ouais. Ah ouais, et c'est des films qu'on voulait voir, puis au final, on les a oubliés. Mais on se rappelle toujours qu'il y a plein de Marvel qui sont sortis. Il y a Avengers 2, il y a tout ce bazar-là qui est arrivé. Et. Ça on a l'impression qu'on bouffe que du Marvel. Oui, bah c'est qu'il y a que ça qui sort en tant que blockbuster, hein, mais il y a que ça qui nous vient. De toute façon c'est une mode, hein. Il y a une époque où c'était que le western, il y a une époque où il y a un genre qui a dominé tous les autres, et enfin au bout de, je sais pas là, ça fait combien de temps qu'on a des films de super-héros? C'est depuis X-Men, non? C'est pas depuis X-Men qu'on a que des films de Spider-Man, c'était avant, pas? Non, je crois que c'est X-Men, non, c'est X-Men avant. X-Men, c'est 99-2000, un truc comme ça, et ça va faire genre 15 ans qu'on a du film de super-héros, et on a encore 5 ans à en tenir. Et après, de toute façon, l'univers Marvel, il est programmé pour tenir jusque 2020. Après, on sait pas où ils vont, soit ils rebootent, soit ils rebootent pas. Et DC, je pense vraiment à Warner qu'en fait, ils ont vu la vibe super-héros arriver, et c'est que de l'opportunisme, en fait. Ils s'en foutent de créer un truc, c'est parce qu'ils savent que ça marche et qu'ils ont besoin de bif, et c'est tout, quoi. C'est pas pour l'amour de... Et pour revenir sur DC, l'univers télé de DC. Ouais, mais ça, c'est pas la même chose. ça existe pas. J'ai lancé mon premier pavé. Ouais. C'est... Vas-y. Tu penses pas que s'ils font des univers dans tous les sens? Ouais, mais l'univers d'ici télévisé, t'as pas d'exemple aussi. Ils feront peut-être pas. Est-ce qu'ils feront un transmédia, comme on dit? Un crossover, tu veux dire, ou un transmédia, hein, c'est-à-dire plusieurs médias pour une. Si, si, bah. Par exemple, que Green Arrow il aille au cinéma. Ou non, je pense pas qu'ils vont. Ouais. Regarde Flash, par exemple, Flash, il y a deux Flash. Il y a le Flash que nous on aime bien, voilà quoi, dans la série télé. Et il y a un autre Flash qui est dans le film de Miller et Phil Lord. Qui vont réaliser plus tard. Il y a Flash Gordon qui n'a absolument rien à voir. Aussi. Et il y a le troisième Flash de la série qui est le père du Flash. Il y a les Flash des appareils photo. Voilà, j'ai lancé la première vanne de merde. Bravo, c'est pas Mathias pour une fois. Mais tu vois, DC, ils se mettent déjà des bâtons dans les roues parce qu'ils font un multiverse. C'est-à-dire que c'est comme en fait dans l'univers Marvel Comics, il y a la Terre normale et il y a la Earth 612, un truc comme ça. Et en fait, c'est une autre Terre, c'est une Terre alternative où il y a les super-héros, mais pas les mêmes. Et là, DC, ils font la même chose. C'est-à-dire que vous entrez dans la zone très pointue. Non, c'est un truc de base. Non, mais après, DC, ils ont quand même sorti Superman et tout le. Ouais, mais ça, c'est 80, etc. Ouais, mais il y avait pas encore de franchise vraiment proprement parlée. C'était vraiment Superman, tu vois. On voyait Superman et Spider-Man, c'était la même. Après, Supergirl derrière. Ouais, il y a eu les Batman de Tim Burton, et je pense que c'est les Batman de Burton qui ont vraiment amené. Parce que, alors on diverge. On diverge pas mal, ouais. On diverge super héros, mais est-ce que quelqu'un a vu le premier épisode de Supergirl? Oui. Et j'ai vu les 10 premières minutes parce que ça m'a un petit peu énervé. Alors moi j'ai supporté jusqu'à la fin, mais en même temps je faisais le ménage. Donc c'était une bonne série de vaisselle. Moi j'ai regardé, j'étais face au truc, tu vois, pendant je sais pas trop combien de temps qui durait ce. Et c'était très très long, je trouvais. C'était un peu long, et moi. Ouais. Il y avait un des mecs du mentaliste qui jouait un méchant en plus dedans, c'était génial. Et qu'est-ce que t'en as pensé du Franchement, c'est de la qualité de Arrow. Pas okay. Flash, tu vois, mais Arrow. Et. Enfin voilà, tu vois, ça pour moi c'est de l'opportunisme et c'est ce qui tue tout le truc de Supergirl. Mais enfin bref, on va clore le débat Supergirl parce que j'ai l'impression que Supergirl c'est un peu Supergirl c'est amener Superman dans l'univers télé mais pour moins cher qu'au cinéma. Mais non, mais je trouve que Supergirl c'est quand même la franchise un peu déchue de DC, parce qu'entre les adaptations cinéma qui sont pourries, il y en a qu'une, mais c'est plus mais que, en même temps ce qui est bien et adaptation télé ce qui est... Ouais, attends Victor, il... Non, je disais juste que ça fait... Parle dans ton micro plus. Ça fait depuis les X-Men en fait qu'on attend... Attention. Qu'on attend, tu sais, les franchises qui se rejoignent. Je sais pas si vous vous rappelez, genre le Hulk qui était sorti... Avec Eric Bana de Ang Lee en 2003. Non, celui d'après. L'incroyable Hulk. C'est depuis Iron Man et ce film. sais qu'ils ont fait une liaison entre C'est la première phase de l'univers Marvel, ça. Enfin, c'est depuis ces films. Genre, on se disait, ouais, ça va être trop cool, tout va être lié dans les années 2000, après 2005, ça va être ouf. Et genre, maintenant, ça nous lasse trop, quoi. C'est trop bizarre. Et je veux revenir aussi à ce qu'on a parlé des blockbusters. Des blockbusters. Enfin, je trouve qu'on n'a pas assez parlé d'une truc, pourquoi ils ne marchaient pas. C'est aussi parce que c'est toujours la même formule. Et là, ça y est. Ouais. Je pense qu'à partir de 2015, ça y est. Je pense que les gens sont marre de voir toujours les mêmes films. Et c'est pour ça que Deadpool va faire un gros bide au cinéma, je pense. Attention, tu vas faire tomber le micro. Je pense que Deadpool va faire un gros bide aussi. C'est parce que tous ces films, en fait, c'est les mêmes. Genre, les 4 Fantastiques, c'est ouf parce qu'il n'y a personne qui s'est bougé pour aller le voir. Et pourtant, bah si, il y a des gens qui se sont bougés pour aller le voir, mais pour le bâcher sur Twitter, ça n'a aucun intérêt. Même Ant-Man, tu vois, Ant-Man qui avait prévu le coup avec une. Je sais pas si vous avez vu toutes les pubs qu'il a. Ouais, la promo, elle était cool, taille fourmi et tout. Ouais, taille fourmi. Même les bandes annonces, il me semble qu'il y en avait. Il y avait une ou c'était un. Il y en avait 5, tu vois, des bandes annonces de films. Bah, il y en a toujours, il y a des TV spots. J'ai l'impression que la recherche, elle est tout donnée dans la com. Oui. On va tout. C'est la com, ils font des trucs de dingue. Vous parliez dans Ant-Man, vous avez fait les trucs miniatures et tout. Je crois que c'était dans la rue, c'est ça. Ouais, ouais, et je te coupe de vite, mais la première du film, elle a eu lieu en Belgique, dans une ville qui s'appelle Fourmi ou un truc comme ça. Ouais, voilà. Du genre à la Marvel Studio, quoi. Voilà, et tout est donné là-dedans, et au final, on resserre la même recette, le même schéma qu'on voit partout. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on en est marre. Si je devais me souvenir du premier blockbuster Kleenex que j'ai vu, je pense que je citerai Daredevil avec Ben Affleck. Mais non, mais sérieux, le pavé. Je sais pas si vous vous souvenez, genre c'était. Et après t'avais Elektra dans le. Ouais. Et déjà Elektra, ça faisait un univers. Je sais pas si vous souvenez, il y avait quand même des grosses têtes d'affiche. C'était un blockbuster Kleenex, mais avec Colin Farrell, avec Ben Affleck. Il y a eu le. Non, mais en soi, je pense que c'est aussi le principe du blockbuster de ramener de la tête d'affiche. Oui, à gogo. Ouais, l'utilité du truc, c'est quand même de faire du bif, tu vois. C'est. Ouais. Mais après, il y a cette. Enfin, c'est parce que nous, on attend autre chose qu'un film fast-food. C'est que pour nous, ça doit être la démarche d'un auteur. Genre, quand t'as un mec pas très connu, genre Colin Trevorrow qui fait Jurassic World et qui s'attaque à Jurassic Park, t'attends quand même un truc quand tu sais le bagage derrière. Ouais. Une Pratt, c'est Chris Pratt dans le film. Mais enfin, tu t'attends quand même à avoir quelque chose. Et Jurassic World, enfin, moi j'ai été, mais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais. Possible, genre, tu fais du stand-up. C'est blog. Non, c'est. Je sais pas si vous avez remarqué, mais. C'est Blockbuster Kleenex. Ils n'ont aucune grosse tête d'affiche. Bah, si. Si. Bah, je suis pas d'accord. Après, non. Si. Je prends juste Fantastic Four et. Bah, mais si, t'as le mec de Divergente, j'oublie toujours son nom. Si, t'as que des gens de série dans ce film-là. Ouais, c'est ça. Vite fait, t'as Adam Sandler. Ouais, mais. Et Tyrion, Peter Dinklage, avec un mulet. Non, c'est des gens de série, c'est pas des gros. Oui, mais comme. C'est pas des grosses têtes d'affiche. Mais ça peut être un autre débat, les acteurs de série. Tellement la série IP vont dans le cinéma, mais ça. Comme ça, c'est un autre pavé. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas. C'est pas le même public, ça, je pense qu'ils l'ont pas compris, en fait. C'est genre, ce qui fait que ça marche pas, bah non. Si. Ce qui fait que ça marche pas, c'est qu'il n'y a pas la personne qui nous fera envie d'aller le voir. Parce que il n'y a pas un Robert Downey Jr. En Iron Man, il n'y a pas... Le problème, enfin, je reviens sur l'univers partagé, mais le problème de l'univers partagé... Attends, Mathias s'est cru au bar avec son truc, là. Je mets mon bras sur la perche micro. Ah, parce que c'est de la radio, du coup, les gens n'ont pas la couleur. C'est clair. J'ai fait un truc pas très radiophonique. Donc, ce que je disais, c'est que le problème de Marvel, c'est qu'ils font un univers partagé, mais que les films soient... que tu puisses les regarder un à un, j'ai l'impression. Enfin, tu prends n'importe quel film. Par exemple, tu prends Avengers 2. Mm-hmm. Tu le regardes sans regarder les autres univers Marvel. Tu comprends le film. Oui. C'est pas une saga, au fait. Ouais. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un petit côté série aussi quand tu vas voir Avengers 2. Mais après, tu peux te regarder Iron Man 3, tu peux te regarder. Oui, mais le problème, c'est que tu vois, par exemple, Captain America, il est sorti. Lequel? Le premier. Ouais. Le bien. Non, le 2. Je pensais que tu parlais du 2. Tu vois. Non, le bien. Le 1 est meilleur que le 2. Non. Ça, je ferais un truc tout seul pour m'expliquer. Moi, je suis d'accord avec Raph. Bah ouais. Ah, merci. Moi, je suis pas d'accord avec Raph. J'ai pas envie de relancer le débat, mais enfin bon. Relancer le débat, c'est la première émission. Pour ceux qui n'ont pas compris, avant, notre émission, mais c'était de la merde. Si, je voulais bien faire ça. Je voudrais une dernière chose avant que je redonne le micro à Mathias. Vous parlez de Fast Movie, et j'ai l'impression, quand je regardais Iron Man 1, je trouve ça horrible, j'ai l'impression de voir quelque chose qui est périmé. Je sais pas si vous avez ce truc-là. Mais c'est ce qu'on dit justement, ça se regarde une fois. Mais les effets vieillissent vite. Non, mais pas en termes de narration, parce que si tu veux, vu que Iron Man, c'est le premier, tu vois, c'est la pierre angulaire de l'univers Marvel Studios. C'est par lui que tout est arrivé. Et du coup, la formule, c'est pour de. Il est sorti quand en 2007 2008 oh, je sais même plus. 2008, je pense. 8, ouais. 2008. Mais c'est pas. Moi, j'aurais dit l'incroyable Hulk pour. Moi, pareil. Mais le premier celui avec. 2008, l'incroyable Hulk. Ouais, ça doit être 2007, Iron. Bon, bref, on s'en fout. Avec Edward Norton. Ouais. Oui, c'est ça. De Louis Le Terrier. Un enfant EuropaCorp. Mais bonjour EuropaCorp. Mais je voulais. Je sais plus ce que je voulais. Ouais, voilà. C'est que quand Iron Man est sorti, c'était la pierre angulaire du truc. C'était vraiment, c'était le premier. Donc c'est lui qui a posé la base de scénario type Marvel Studios. C'est-à-dire que, ouais, c'est un peu sérieux, mais à chaque fois qu'il y a une tension dramatique, bah, direct, c'est dédramatisé par une blague ou, tu vois, quelque chose comme ça. Mais vu que ça a été le premier, ça, pour les gens, c'était toujours, oh, c'est énorme, tu vois, c'est trop bien. Mais ça a toujours été la même chose. C'est Iron Man 2, c'est le même. Iron Man 3, c'est le même. Et chaque film, en fait, ça repose toujours sur les mêmes bases. Et même celui qu'on considère pour l'instant encore un peu à part, qui est les Gardiens, parce qu'il se passe en dehors. Bah, il se passe dans l'espace, donc du coup, il n'y a plus personne d'autre de Marvel. Bah, tu te lasses vite, quoi, en fait, cette narration. Je vais un peu écarter le débat. Alors, on va peut-être rester sur les super-héros, mais je vais juste lancer un petit pavé, mais en même temps, qui est assez important, qui est très important même. À quand un truc monocentré sur un personnage féminin ? Parce que ça dans arrive. Avengers, Supergirl, ça arrive. Oui, non, mais avec Supergirl, justement, dans la série, c'est la seule. Attends, il y a Daredevil, il y a. Daredevil. Bah attends. Il y a Flash, il y a Arrow, tout ça. À part Supergirl, il y a zéro personnage féminin. Ça arrive. Dans tous les Avengers, ça arrive. Il y a la Veuve Noire, elle a pas son propre opus. Elle est dans Captain America et le reste, bat les couilles. Parce que c'est un love interest. Un peu comme Hawkeye. Hawkeye le menuisier. À quand, que ce soit un Marvel, un DC, quoi que ce soit, même un blockbuster en général, on pourra peut-être diverger là-dessus. Je ne faut pas diverger parce que sinon ça donne du coup divergente. Et d'ailleurs, il y a la série Divergente qui arrive. Ta gueule. Ça va être génial. J'aime pas ce film pour ceux qui n'ont pas compris. On expliquera. On lance beaucoup trop d'idées. Mais on dirait un brainstorm. Non, je veux pas. Déjà, là c'était un blockbuster qui était centré sur un personnage féminin. Là, ça me rend un peu triste parce que c'est une cause qui m'intéresse beaucoup. Et ça me fait chier que le film que je déteste le plus soit un film qui est centré sur un personnage féminin. Mais à quand un film de super-héros, du coup, avec un personnage féminin central ? Mais ça va arriver, t'inquiète pas. Et par quoi ? Il n'y a pas Wonder Woman. Si, non, alors, il n'a pas été annulé ? Non, il n'a pas été annulé. Alors, il y a eu une époque assez lointaine, genre de 2009, où il y a une série Wonder Woman qui devait être... qui devait arriver, mais elle n'est pas arrivée parce que je sais plus qui s'occupait, c'était la Fox ou CBS, je sais plus, qui n'a pas voulu donner d'argent parce que le pilote était nul à chier. Du coup, et Wonder Woman, c'est une galère à adapter, je sais pas, c'est une arlésienne. Wonder Woman, il n'y a eu que la série avec Linda Hamilton et c'est tout. Mais il y a eu cette cause un peu féministe, tout ça, mais quand est-ce qu'il y a des personnages féminins vraiment au cœur des intrigues ? Et ça tombe bien que tu dis ça parce que c'est vendredi dernier, il y a le premier teaser de la série, de la nouvelle série Marvel Netflix. Donc après Daredevil, il y a une autre série là qui arrive et c'est Jessica Jones qui est centrée sur un personnage féminin. Oui. C'est quoi ? Alors, je sais plus qui l'a fait, mais là c'est le comics par contre, parce que je connais pas beaucoup ce personnage, mais en gros, sont les gens sur internet. Ouais, vous tapez AKA Jessica Jones, vous avez, c'est super cool par contre. Mais en gros, c'est une super-héroïne qui, au bout d'un moment, se dit, et c'est là où c'est très méta, ah, être super-héros, c'est un peu chiant, en fait. Voilà. Et je pense que c'est le projet qui arrive au bon moment pour Marvel. Et donc, elle en a marre et tout, mais elle veut quand même continuer à faire la justice, tout ça. Et elle ouvre un cabinet de détective privé, et voilà, ça se passe bien. Et son mec, c'est Luke Cage, donc qui est Power Man, un des premiers super-héros afro-américains, le premier, d'ailleurs, avec Faucon. Je termine juste pour les super-héros féminins. Donc ça arrive en novembre, il me semble, sur Netflix. Donc il y aura les 13 épisodes d'un coup. Il y a, je sais plus son nom. C'est un réalisateur ou une réalisatrice ? Qui le fait ? Alors c'est plusieurs. C'est la même team de. Je sais plus qui s'occupe de. En fait, je connais pas l'équipe technique. Je me suis pas assez renseigné dessus. Mais au niveau des acteurs, celle qui interprète Jessica Jones, c'est celle qui joue la copine de Jesse Pinkman dans Breaking Bad. Et il y a David Tennant aussi qui joue le méchant. Le dixième docteur, pour ceux qui regardaient encore Doctor Who. Bonjour Doctor Who. Le meilleur docteur avec le quatrième. Et ça arrive en novembre. Et après, donc, dans la troisième phase des films Marvel, t'as Captain Marvel. Alors, c'est qui Captain Marvel? Parce qu'en fait, Captain Marvel, c'est un peu Shazam et tout. J'ai rien compris à cette histoire. Mais en fait, il y a eu un perso à une époque qui s'appelait Miss Marvel. Et qui Miss Marple. Non. Très bonne série. NTR, si tu nous écoutes. Arabesque. Il name drop des trucs nuls. Il y a eu un moment, un personnage qui s'appelait Miss Marvel, qui était une super-héroïne par. Enfin, physiquement, tu vois. Elle était vraiment dessinée par un mec, ça se voyait. Et c'est pour elle aussi. Et à un moment, il y a eu des gens qui en ont eu un peu marre. Je dis une connerie, c'est pas ça du tout. Ça fait que Captain. Parce qu'il y a deux persos. Bon, ça fait 25 minutes qu'on vous dit de la merde. Il y a un perso qui s'appelle Miss Marvel et un perso qui s'appelle Captain Marvel. Mais est-ce que tu peux meubler? Parce que je vais regarder, j'ai peur de dire une bêtise et c'est super important. D'accord. Je vais juste parler de Wonder Woman. Donc Wonder Woman arrive, il y a Wonder Woman dans Batman Superman et il y aura un film sur elle. Apparemment, c'est une trilogie, il y a trois époques. Donc ça, c'est intéressant de faire une trilogie parce qu'en fait, ce sera. Le portrait de Wonder Woman, donc de femme, à travers trois époques. Donc, tu as les années 50, il me semble, tu as les années 80 et notre époque. Si les trois films se font, c'est réalisé par une femme, il me semble. Et c'est Gail Gadot, donc c'est elle qui joue dans Fast and Furious. Mais alors, qui non, y a bien toujours. Non, il y a pas toujours Mathias, le spécialiste. Mais donc voilà, et il y a Chris Pine dedans aussi. Pour regarder sur les personnages féminins, il y avait Agent Carter en série. Et il y avait aussi, et là il y a les costumes qui ont été sortis pour, peut-être que Raph tu vas m'aider en off, les espèces de faucons, tu l'avais dans le dessin animé de Justice League, le personnage avec sa massue et ses ailes de... Hawkgirl, voilà. Hawkgirl et Hawkman. Les costumes ont été dévoilés il y a pas longtemps, il me semble. Je trouve qu'on n'entend pas assez Victor de te couper. Ouais, et du coup, pour revenir, bon présage ou mauvais présage, expert du comics. C'est le Arrow Universe, donc ça va être du caca quoi. Ah oui, comme je pensais que c'était pour le ciné. L'article en. C'est vraiment c'est l'univers. Je crois qu'ils sont dans Flash. Ah non, ils sont dans. Tu sais, la série qui rebroute tous les méchants là. Ah oui, Legends of Tomorrow, je sais pas quoi, Victor. Moi je voulais juste revenir sur une dernière chose parce qu'on n'arrête pas de parler du super-héros et je pense qu'on va essayer d'en parler après. Et juste pour dire, on parle beaucoup de super-héros, de franchises avec de sagas, avec plusieurs épisodes. Et j'ai regardé un film hier des années 2000 qui s'appelle Watchmen et je l'ai revu hier. Et en fait, c'est vraiment un film qui fait du bien aux super-héros. Genre c'est un film de 3h30, j'ai regardé la version longue et c'est trop différent de ce qu'on a pu voir ces dernières années. Après c'est le bouquin qui fait ça hein, mais ça m'a fait trop plaisir de pas avoir la notion d'argent derrière, c'était juste une adaptation. Après c'est Zack Snyder hein, c'est pas genre, j'ai l'impression que c'est son seul bon film en fait finalement, parce qu'après il est parti dans les Superman tout ça. Mais juste pour terminer, c'est vraiment le film que j'ai l'impression qu'il n'a pas voulu faire d'argent, qu'il n'a pas forcément voulu de rendre un public, mais c'est l'un des seuls films super-héros que je sais plus quoi dire, mais j'ai trouvé que c'était le seul film des super-héros intéressant. Qui était respectueux. C'est surtout qu'il y a une démarche d'auteur dans Watchmen, c'est-à-dire que la BD a servi de storyboard. Et je pense que niveau... auteur, je crois que Zack Snyder, il a jamais été aussi bon que que dans Watchmen. Alors, j'ai peut-être lancé un pavé dans la mare pour toi, mais Zack Snyder a fait L'Armée des Morts, qui est pour moi un très bon remake. Quand t'as donné aux vedettes de Romero juste avant, quand tu regardes les deux en même temps, c'est un peu le... C'est pas la même époque. C'est un remake intelligent. Mais est-ce que toi qui lis beaucoup de comics tout ça, est-ce que tu as cette sensation de retrouver de la BD dans les Batman, dans les Fantastic Four, dans les Ant-Man, dans les Iron Man? Parce que moi, franchement, c'est le seul comic que j'ai lu, Watchmen. Hein, c'est plus de la BD, c'est du film. C'est le seul comic qu'il faut lire dans sa vie. Enfin, un des seuls. Franchement, moi, je l'ai revu, ça te met des idées, mais C'est Alan Moore. Hein. Mais c'est ouf. Hein. C'est Alan Moore. Alors Alan Moore, en deux mots, il a été scénariste et après il a été magicien. Voilà. Comme Sylvain Mirouf. Ouais. Sauf qu'il aurait été scénariste. Non mais vas-y Victor, reprends sur Watchmen au niveau des idées que ça transmet. C'est con parce que quand t'as que des films de super-héros Kleenex. Bon allez, j'écarte les Batman si je suis pas méchant, j'écarte Spider-Man de Sam Raimi. Spider-Man de Sam Raimi, mais ça c'était même avant ces blockbusters de super-héros Kleenex comme tu dis. Ouais, le multivers. J'ai l'impression qu'on aura que ça maintenant et ça me fait beaucoup chier en fait. Alan Moore, c'est justement vu que tu parles de Watchmen, ça tombe bien, mais il s'est exprimé cet été. Mais je pense que tout le monde a dit sa petite phrase à propos du film de super-héros cet été. Il y a eu Tarantino, il y a eu Tantino a dit beaucoup de phrases cet été. Il a dit que bah, on pouvait rien y faire, quoi, mec. Y a pas de problème. Quoi. Mais, chiant, mais non, mais c'est parce qu'en fait, il voulait adapter Luke Cage, qui est un super-héros qui rentre dans son trip. Non, et pour mais revenir... juste, tout le monde a parlé de super-héros parce que je pense que c'est un fait que tout le monde commence à en avoir ras le cul des films de super-héros. Et que tu parles de Watchmen, c'est cool parce que Watchmen, c'est un film qui a fait grandir les super-héros d'un point de vue. Comics, c'est eux. Alors avant. Qui a mis les choses en place. En voilà, fait. C'est ça, c'est qu'il les a mis dans le monde réel. En les mettant dans le monde réel, ça les a fait s'élever au-dessus de tout et montrer que c'était pas juste des mecs en collant qui se battaient. Quoi. C'était pas Batman et Robin. En plus, c'est le scénario original de la BD, alors que tous les autres films, c'est de la merde en fait. Bah, ça date jamais de run, ça pique à droite à gauche. Genre là, le Civil War. Civil War, ça s'appelle Civil War, mais en fait, ça n'a rien à voir avec Civil War. Je suis méga deck parce que c'est de la merde. Civil War, c'est trop bien. Et c'est mon crossover préféré de chez Marvel. Et finalement, il n'y aura pas. Et nique ta mère. Alors, moi, vas-y, Kevin. J'ai deux choses à dire. Vas-y. Alors, la première est purement technique, mais vous devez sûrement entendre beaucoup de bruits chelous dans le fond, des bruits de gorge. Moi qui tousse parce que je suis malade, malheureusement. Mais c'est parce qu'on vient de recevoir le matos et tout, c'est on commence Noël. À faire la radio, c'est trop bien, c'est Noël. Ouais. Mais on le découvre en même temps que tout le monde et du coup c'est pour ça qu'on fait les réglages en même temps pour les prochaines émissions. Gloria est aussi animateur donc c'est un peu chiant. Voilà. C'est match. Du coup on va s'améliorer on va se bonifier dans le temps. On a mangé nos pâtes et on s'est mis à faire le pavé du coup. Voilà, c'est juste pour dire, ça ne va pas rester comme ça toute la vie. Et deuxième chose, les super-héros, je pense qu'on a tous dit notre mot, ça fait une demi-heure. On sent un peu sur les autres blockbusters. Et pourquoi pas dire qu'est-ce qu'un bon et qu'est-ce qu'un mauvais blockbuster ? Qu'est-ce qu'on a envie de voir ? Après, c'est très subjectif, mais... Alors, le bon blockbuster, c'est un film... c'est un bon blockbuster et un mauvais blockbuster. Je savais qu'en disant ça, quelqu'un allait ressortir les inconnus. Non, alors, les savoureux passent de 4 à 3. Au revoir. Au revoir, Mathias. Salut. Salut. Mais juste, moi, j'ai cherché en off là, qui était Captain Marvel de Miss Marvel. Et en fait, il y a Miss Marvel qui était Captain Marvel avant, mais ils ont changé de nom. Et donc, le film qui va être adapté, c'est bien Captain Marvel. Et donc, c'est une super-héroïne qui serait jouée par Ronda Rousey. J'aimerais vous poser une question à chacun et que chacun vous réponde à ma question. Vas-y. C'est quoi le bon blockbuster que vous avez vu récemment ? Ah, commencez pas par moi, faut que je réfléchisse. Vas-y, Raphaël, vas-y. T'es prêt ? Tu sais. Non, c'est quoi ton bon blockbuster ? Non, vas-y, t'es chiant. Tu le sais. Mathias, c'est quoi ton bon blockbuster que t'as vu il y a pas longtemps ? Mon bon blockbuster ? Ouais. Il va dire Fast and Furious. Non, je vais pas dire Fast and Furious, même si je le trouve très drôle. Non, parce que Fast and Furious, c'est juste un film très drôle. C'est juste une comédie. Déjà, je t'ai montré juste la scène d'ouverture dans l'hôpital. C'était excellent. C'est vraiment n'importe quoi. Meilleur blockbuster. Meilleur blockbuster, j'ai vraiment envie de lancer un pavé parce que je sais pour les fans de comics, ici, ça va être très dur. Mais moi, j'ai bien aimé Sin City 2. Voilà, c'était 2014, c'était en retard. C'est l'année dernière, ouais. Non, mais est-ce qu'on a le droit de dire des trucs qui datent un peu Moi, je trouve que pour moi, c'est un bon blockbuster puisque ça réunit des grosses têtes d'affiches. Ouais, carrément. Donc, ça répond à la première case. Deuxième case, c'est sorti en été, il me semble. C'est fin d'été. C'est septembre, mais aux États-Unis, en fait, il est sorti en juin, mais ils ont vu que ça a fait un bide, donc ils l'ont sorti en septembre en France. Généralement, les films qui marchent pas aux États-Unis, durant l'été, il les sort en septembre, genre Hitman cette année. Vas-y, Kevin, c'est à ton tour. Alors moi, c'est John Wick avec Keanu Reeves. Keanu Reeves, voilà. Et Sion Greyjoy aussi. J'ai oublié son vrai nom. Ah oui, c'est le frère de Lily Allen. Allen. C'est Barry Allen. Ah non, c'est pas lui. Non, John Wick. Et pourquoi je l'ai aimé parce qu'il t'en met plein la gueule. Enfin, Raph, t'as pas aimé, mais moi, je trouvais qu'il t'en mettait plein la gueule. Il y avait du sang, il y avait des morts, c'était rigolo. Je trouve qu'il y avait une histoire qui était cohérente et marrante en même temps. Parce que le mec finit par péter le plomb parce que quelqu'un a buté son chien. Et il finit par buter la moitié des États-Unis à lui tout seul. Enfin, la moitié de Manhattan à lui tout seul. Et non, je trouvais que. Il y a des Russes à Manhattan d'ailleurs. Oui. Je trouvais. Mais il y a beaucoup de Russes à Manhattan. Ouais, peut-être. Il y a les experts. C'est pas vrai. Je... non, et oui, je trouve que les scènes d'action étaient bien foutues. Que la photo était bien réussie. John Wick 2014. Ouais, c'est 2014, un truc comme ça. J'en ai jamais entendu parler. Bah, malheureusement, bah, les gars, si vous voulez regarder, regardez-le. Parce qu'il est vraiment très, très bon. Je trouve qu'il est assez cathartique. Et je trouve ça génial. Et qui veut dire ? Ce qui veut dire, c'est l'expulsion de, ou l'expression de tes envies, de tes pulsions à l'écran ou dans la salle de. Bonsoir. Bah, on a le droit de dire des mots et de mal les expliquer après. Pour tous les réactionnaires, il y a Wikictionnaire. Raphaël, c'est quoi ton dernier bon blockbuster que t'as vu? Ah là là, à part celui qui est sorti. À part Mad Max. Ah putain. Le 14 mai, excuse-moi. Est-ce que ça peut être des films récents que j'ai regardé mais qui sont le pas récents? Le 14 mai, c'est la Saint-Mathias. Voilà, j'ai lancé le film. Ferme ta gueule, Mathias. Tais-toi. Pourquoi il a pas le droit de parler de Mad Max? S'il a envie de laisser-le s'exprimer, il a pas besoin de chercher un autre film autre que Mad Max. Il a envie d'en parler, mais parce que c'est trop simple. Oui, oui. D'accord, ok. Parce que j'ai payé pour aller voir les 4 Fantastiques et je me suis fait enculer par la Fox, il n'y a pas d'autre mot. Mais faut que vous le voyez parce qu'il faudrait qu'on en parle, mais c'est vraiment. Et pourquoi Mad Max c'est un bon film? Bah, parce que c'est. De toute façon, on en a déjà parlé en long, en large et en travers, mais c'est. Pendant cette émission. Mais... En tout cas, c'est juste un bon film, c'est tout. Bah oui, mais laisse-moi expliquer pourquoi. Non, c'est tout. Dans sa démarche d'être un blockbuster, c'est un bon blockbuster. Parce qu'il rentre dans les cadres de l'époque, c'est-à-dire que c'est un remake déguisé, mais c'est un. Enfin. C'est un soft reboot suite. Mad Max, la saga Mad Max, c'est anthologique. Donc finalement, c'est pas ça, les 1, 2, 3 ne se suivent pas. C'est toujours on prend un perso et on lui fait vivre telle aventure. Mais les aventures ne se suivent pas les unes aux autres. Donc, mais vu que c'est une vieille licence qui est reprise, ça rentre dans cette démarche de blockbuster actuel et de ce qui se fait, de ce que le public est censé aimer parce qu'on est des producteurs trop visionnaires. Donc il y a ça. Il y a l'auteur qui parle de son. De ce qu'il a de meilleur et de ce qu'il a fait, donc c'est George Miller qui a fait Happy Feet, Babe et Mad Max. C'est ce qui laissera à l'humanité. C'est génial. Bah oui, c'est trop bien. Mais ça parle du même thème à de trois manières différentes. Et George Miller, tu veux dire? Ouais, George Miller. J'ai dit George Miller. J'ai pas vu les films. Mathias est déjà sous. Ça y est. J'ai compris Frank Miller. Dans 5 minutes, il dort. Mais voilà pour ça, et parce que techniquement, bah, c'est du jamais. Enfin, j'ai rarement vu un film au cinéma de cette volée-là. Quoi. C'était vraiment. Enfin, j'ai pris une putain de claque dans tous les sens. Encore un film cathartique. Exactement. Pour faire plaisir à Victor. Enfin, la DA, elle est ouf. Tous les... Direction artistique, pardon. Le tout... mec qui parle... Tous les effets spéciaux, le montage, enfin, tout est beau. C'est ce que... Moi, c'est le film que je voulais voir, j'ai pas été déçu. Et je le revois... Enfin, je peux le revoir tous les jours tellement c'est génial, quoi. Et voilà, c'est, je pense que dans sa démarche de blockbuster, c'est un des meilleurs pour enfin cette année pour moi. Ok. Et toi, Victor? Ah, moi c'est Mission Impossible 5. Je l'ai pas vu, donc. Explique-moi pourquoi. C'est juste un très bon film, c'est juste. Enculé, quoi. Allez, vous faites enculer. Je m'explique là-bas. C'est un peu ça, mais. Si tu veux que je t'explique, je vais en vrai, quoi. Bah non, mais c'est ça, j'ai pas envie de spoiler. Même pas de spoiler, mais j'ai même pas envie de vous dire. C'est juste que. C'est un monde pack de. Non, mais en gros, c'est pas un blockbuster qui se prend la tête. Même Tom Cruise arrête d'être complexé sur son jeu. Il fait du Tom Cruise et c'est trop bien. Et c'est juste trop bien, quoi. C'est des cascades. C'est. En fait, c'est même le bon blockbuster comme on aimait avant. C'est des cascades, c'est des grosses têtes d'affiche, c'est de l'action. C'est un scénario qui est un peu simple, mais qui est un peu dur à la fois. Enfin, qui est. Mais qui tient la route. Oui, ouais, parce que si, le problème, c'est qu'on essaie de nous faire croire que ce qu'on va voir, ça devient compliqué. Bah, genre, on essaie de montrer. Ah ouais, il se passe ça. Genre Jurassic World. Et du coup, j'ai envie qu'on parle de Jurassic World. Après. Du coup, j'en viens à ma deuxième question. Vas-y. Est-ce que depuis 2013. Vous avez vu au cinéma plus de mauvais blockbusters que de bons blockbusters? Oui. Bah, le problème, en fait, moi, ça a créé l'effet où j'ai plus envie de dépenser de l'argent pour être déçu à la fin. Ouais. Du coup, j'attends de l'avoir au retour. Après, quand c'est sorti sur les plateformes de téléchargement légal ou illégal. De ton oncle d'Amérique. De mon oncle d'Amérique. Et... Ok. Et du coup, je vous demande de citer le dernier blockbuster Kleenex que vous avez vu. Fantastic Four. Mathias. Avengers 2. Oui, pareil. Et toi, Kevin? Alors, moi, Avengers 2, que j'ai regardé que jusqu'à la moitié, parce que merde, quoi. C'est même en n'ayant pas payé pour le voir, non. J'étais en train de faire ma vaisselle. Ce que je disais, c'est un film de vaisselle. C'est le film que tu regardes, tu poses ton cerveau à côté et... Il y a des gens qui se battent en fond, t'as loupé 20 minutes, t'as pas trop compris ce qui se passe à la fin, mais puis après t'as loupé au caille la menuisier. Je pense que le blockbuster, pour résumer, je le résumerais bien à Expendables. Ouais, j'avais cet exemple en tête aussi. Parce que c'est vraiment le film où tu te poses pas de questions, quoi. T'as un méchant, t'as un gentil. T'as Van Damme. C'est là où je reviens, je suis d'accord avec toi. Hein. Pour moi, Expendables, c'est un très bon blockbuster pour en parler. Tête d'affiche, gros moyen, des cascades, des trucs drôles, des trucs pas drôles. Le problème de ce que tu dis, Kawan, je pense, c'est ton blockbuster vaisselle, en fait, où tu poses ton cerveau à côté. On s'était déjà mis d'accord sur cette définition, mais en fait, je suis plus trop d'accord. Genre, on réfléchit trop maintenant, parce que comme on voit toujours la même chose, même si tu voudrais poser ton cerveau à côté, ça marche plus, cette formule, en fait. Au bout d'un moment, tu finis par être... Parce que regarde, maintenant, on a la possibilité, et on se dit de plus en plus... Non, j'arrête le film en plein milieu et je passe à autre chose. Moi, c'est un truc que j'ai de plus en plus souvent maintenant, c'est que quand le film me plaît pas, je switch et je vais vers autre chose. Ouais, pareil. C'est là où je dis que le fait que les blockbusters Kleenex ne marchent plus, c'est le fait aussi qu'ils sont... je reviens au truc de fast movie. Je trouve que la durée de vie de ces trucs-là, c'est plus le DVD, donc c'est plus après. Ouais, il n'y a plus d'après. C'est juste sa sortie au cinéma, et s'il ne marche pas, il ne marchera jamais. D'où l'analogie avec le Kleenex, c'est tu le pris, tu le regardais, tu le jettes. Puis tu n'iras pas rechercher ton mouchoir dans la poubelle. Comme tu dis, les trucs vaisselle, enfin les blockbusters vaisselle, ça ne marche pas parce qu'on est maintenant en 2015 et ça n'existe plus. Tu vois, tu te dis plus, tu vas regarder un film... Et tu vas regarder jusqu'au bout parce que tu l'as payé. T'as pas acheté le DVD, t'as rien fait du tout. Non. Tu as juste téléchargé, tu peux switcher à tout moment parce qu'il y a toujours des problèmes. Idée de truc de vaisselle, c'est le film de vaisselle, c'est tu vas pas t'intéresser en fait à l'histoire ou l'intrigue, c'est tu vas le regarder parce que tu veux pas faire ton truc, tu veux pas faire ta vaisselle sans avoir quelque chose, un bruit de fond. Sur lequel te concentrer, c'est vraiment le truc. Tu vas regarder, c'est le cas typique d'Avengers 2. Alors, je vais vous parler de comment j'ai regardé. J'étais juste en train de faire mon ménage, ma vaisselle, etc. Et quand j'ai terminé, c'était à la 42e minute du film. Et je me suis posé pour regarder le film. Et à un moment, je me suis dit, mais ça me fait chier. Est-ce qu'ils étaient dans la maison de Hawkeye? Et du coup, j'ai switché. Non, il y a Black Widow qui est en train de dire à Hulk, et en fait, je t'aime bien. Dans la maison de Hawkeye? Ouais. Ah, t'as vu le meilleur. Non, mais après. Ok. Il se rendort. On a perdu. Ce que tu disais, Victor, que je voulais rebondir, c'est sur le fait que ça ne marche pas. Comme tu peux voir sur ce tableau, là, que j'ai préparé, j'ai fait un tableur Excel. Là, tu vois que là, All Time, Jurassic World, il est 3e ever. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup d'argent. Okay. Et vous voulez que je raconte mon expérience quand j'ai regardé Jurassic World, quand je suis allé voir Jurassic World au cinéma? Wow. On a tous des parties de la vie chacun. Il faut dire qu'il était très hypé. Franchement, alors au début j'étais pas hypé. Raphaël et Jurassic Park, c'est. Ouais, maintenant on a des micros pour chanter. Mais en fait, j'étais pas hypé dans la première phase de promo parce que il y a eu cette porte en image de synthèse dégueulasse, la porte de Jurassic Park là. Et le gars a dit non, vous inquiétez pas, on va la faire en vrai après la porte, hein, pas de problème. Bon, dans le film, on l'attend toujours. Hein, connard. ce mec dans les scènes bonus. Non, mais ce mec va faire Star Wars 9, ça va être génial. Et il a aussi dit, pour rajouter du crédit au type, c'est censé, et il a quand même été adoubé par Steven Spielberg, hein. Il a dit ouais, c'est lui, c'est le meilleur, c'est le futur moi et tout. Il a dit ça à Michael Bay aussi. Colin Trevorrow, là, le mec qui pèse 2 milliards, il a dit les femmes peuvent pas réaliser blockbuster parce qu'elles sont pas assez ancrées dans ce qui se passe. Ouais, il a dit ça. C'est honteux, voilà. C'est horrible. Bah, je rien dire. J'allais pas du tout revenir sur ça. J'allais revenir sur autre chose. Le débat des féministes. Jurassic World. Non, c'est pas le débat des féministes. Voilà. Non, mais le débat du bon sens. Enfin, c'est la logique. C'est le débat du bon sens. Mais donc Jurassic World. Donc j'étais hypé dans les trois dernières semaines parce que j'avais regardé Jurassic Park et tout. Bon, le 3, comme d'habitude, hein, y a le dinosaure qui parle. Et donc j'étais hypé, j'étais confiant, je dis ouais, ce sera peut-être pas mal et tout. Et première scène, t'as l'œuf qui éclot, tu fais ouais, putain, c'est peut-être pas mal et tout. T'as ce délire avec l'oiseau là, je sais pas si tu vois, Victor. Voilà, et après t'as ce gamin, typiquement Spielberg, où tu fais. C'est la même chose en fait, ça vante pas la roue. Et le film il continue comme ça. Et il y a des. Enfin, le mec, quand même, le plan pour montrer que Chris Pratt, il est fort, c'est quand même qu'il attrape un moustique à main nue. C'est genre, il fait ça, il chope le moustique avec sa main. Aussi. Et il fait, waouh, il est trop fort, t'es censé te dire ça, tu vois. Mais ça marche plus, c'est pas logique. Et franchement, ça va de mal en pire. Mais avant, ça marchait, ces trucs-là. Bah, non, ça marchait pas parce que c'était pas aussi con, c'était réfléchi, mais t'es genre. Enfin, Jurassic World, je sais pas combien de temps ils ont écrit le scénario, mais ça part en couille. Il y a quand même un moment où ils explosent un dinosaure au bazooka. C'est pas logique. C'est pas logique. J'allais en revenir justement exactement ça. En fait, c'est la formule des mecs badass des films ne marche plus. Bah non. T'es tout gêné maintenant. Et même les gamins, quand j'interroge des gamins qui sont allés voir des blockbusters, ils sont là, ils font ouais, c'est un peu nul ça. Genre, c'est pas réaliste parce que c'est des gamins qui disent ça parce que maintenant on a conscience d'un film, on sait les trucs, enfin les effets de style qui sont donnés, donc on a ce discernement là donc j'ai l'impression que le public, il faut vraiment le surprendre et mettre plein de trucs différents. Nous prend pour des cons, c'est ça, on nous prend comme si on était un public des années 80 alors que le public et la manière de consommer ce que tu disais jusqu'en 2020 en plus, c'est clair, mais la manière de consommer les films, ce que tu parlais tout à l'heure avec Kevin, c'est que ça a changé, c'est à cause de la manière dont on consomme les films que ça a changé. Et le truc ultime de Jurassic World, c'est arrivé c'est ce raptor à Malibu, quoi. Le mec, le raptor, il arrive au ralenti. Et le délire, ouais, le T-Rex, ouais, on le met au fond du parc. Enfin, tu le vois dès le début que c'est lui qui va le sauver. Et pour mettre un point d'honneur à cette expérience que j'ai eu en regardant Jurassic World, il y a quand même eu des gens, quand le générique s'est lancé, qui se sont levés, ils ont applaudi. C'est vrai. Ouais, et ça faisait super longtemps que j'avais pas vu ça. Con, parce qu'il y a toujours des gens comme ça. Mais non, mais il y a eu plein de gens dans la salle qui ont applaudi. Bah alors, je trouve ça ridicule d'applaudir pendant. Ouais, parce qu'il y a personne qui a fait le film dans la salle. Alors peut-être qu'on le sait pas, mais. Non, mais c'est quand même applaudir le pilote dans l'avion, je trouve ça ridicule. Mais ça, c'est un état. Et les gens dans la salle, juste avant que le film il commence, il a dit. Donc le gars qui était devant moi, il a dit à son pote, faut que tu regardes Flash, c'est une super série. Et du coup, j'ai vu le public qui était dans la salle, je fais, ouais, ça va être génial, quoi. Il y a trop de. Après, c'est peut-être parce qu'on grandit ou quoi, je sais pas. Mais je pense que. Il y a trop de clichés dans les films. Oui, mais après. Chinois sur la télévision. Tu vois, non, mais il y a toujours. Non, mais je suis sérieux. Hein. Je suis sérieux. Il y a toujours la même formule du mec geek qui accompagne le. Mais ça, tu le vois trop. Avec sa moto dans la forêt avec les dinosaures, tu vois. Sérieusement, tu vois. Oui, c'est devenu des clichés. Mais ça, tu le vois très bien justement dans la série Flash et Arrow quand ils ont fait leur premier crossover où c'était exactement les mêmes persos qui se retrouvaient en double. Parce que c'est le même calque qui est appliqué, c'est juste les skins en fait qui changent des persos. C'est juste ça. Et moi, j'aimerais rajouter un truc, c'est quand même que ça fait 2008, c'est ça, les premiers blockbusters ? Le premier gros blockbuster. Non, c'est 75, c'est Les Dents de la Mer, le premier blockbuster. Tu veux dire Marvel Studios ? Ouais. Ouais, c'est 2008. Hein. Ouais, 2008, et ça fait quand même 7 ans qu'on se prend des blockbusters tous les mêmes. Donc peut-être qu'au bout d'un moment. Oui, et les mecs, c'est. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. On essaye d'entretenir la vache à lait, mais qui ne fait plus de lait au bout d'un moment. Quoi. Du temps en studio, quoi, c'est chaud. Enfin, c'est... Bah, du temps, de l'argent. Et des gens, des hommes, des femmes, c'est quand même des enfants. J'espère vraiment, comme on en parle de surtout de celui-là qui n'a pas marché, les Fantastic Four, c'est pour ça qu'on en parle, tu vois, de ce débat des blockbusters Kleenex. Fantastic Four, c'est un cas à part. Se poser vraiment un jour la question de se dire, est-ce qu'il y a autre chose que des super-héros, il y a autre chose que les explosions, et non. Est-ce qu'on s'adonnerait pas justement à... Parce que là, en fait, ils ont une politique de refaire des choses qui ont marché et... Est-ce qu'ils vont aller vers de nouveaux horizons? Horizons. J'étais obligé de la faire. En tout cas, jusqu'en 2020, tu vois, on va avoir cette sauce-là et ça va être très chiant, tu vois. Qu'est-ce qu'un blockbuster ? Alors pour moi, est-ce que c'est il y a forcément des explosions ? Bah pour moi, c'est du fric. Pour moi, un blockbuster, c'est un film à gros budget qui est fait par quelqu'un qui a une vision. Exactement. Ou des gens connus. Ou moi, j'ai ma définition, c'est il doit avoir de l'argent, des gens connus et qui doit être regardé par le plus grand nombre. Qui vise le plus grand nombre de publics. Mais le mec qui le fait, il doit pas être contrarié, il doit pas être mis sous le tapis de ce parterre de critères. Et c'est là où tu vois qu'il y a des bons blockbusters, c'est qu'il y a des blockbusters qui arrivent à toucher tout un public. Mm-hmm. Je prends Mad Max parce que c'est le seul exemple que j'ai sous la main. Il peut toucher n'importe quel public. Parce qu'il parle d'un truc universel. Comme les gros beaufs de Lens, tu vois. Salut les gros beaufs. Bonjour les gens de Lens. Ouais, putain. Je suis fan de. Démontez vos oreilles. Et je suis très fan du RC Lens. Mais. Allez, sérieusement, c'est là où je vois que Mad Max, c'est un film intelligent et qui a marché pour tout le monde. Mais en même temps, il y a toujours un public qui s'appelle les Américains. Salut les Américains. Les Américains. Qui n'aimeront jamais ce genre de film parce que c'est pas assez con. Mais c'est pas assez con comme un Fantastic Four. Il n'y a pas de flashback. On t'explique pas toute la psychologie des personnages. Et du coup, ça les frustre. Et du coup, ils regardent plus ces films. Alors, c'est là où j'en viens. Qu'est-ce qui ferait un film qui ferait l'unanimité, qui aurait de l'argent et quel serait le meilleur blockbuster ? Pour moi, il y a un blockbuster ultime dans sa définition, c'est Last Action Hero avec Schwarzenegger. Je sais pas si vous voyez un peu. Non mais rigole pas, tu verras. Il est très très bon. Tu l'as vu ou pas, Mathias ? Non, je l'ai pas. En même temps, il réfléchit sur sa propre condition. Voilà, c'est ça. C'est fantastique. Alors, et c'est avec Tywin Lannister, mais qui n'était pas encore Tywin Lannister. Ah oui, c'est vrai que c'est Tywin Lannister qui a un œil de verre avec un smiley dedans. C'est génial. Comme dans Watchmen. Ouais. Oh, tout est lié. Non. Ah si, le smiley de Watchmen, je suis con, je croyais que tu parlais de l'œil de verre. Non. Mais je pensais que tu parlais de Tywin Lannister, c'est pour ça que j'ai pas compris. Mais arrête d'être méchant avec lui. Je prends sa défense, parce que je l'ai fait. Merde, je te mute si j'ai envie. Voilà, allez Bin, tu veux plus parler. Mais pour moi, avec Last Action Hero, c'est vraiment la définition ultime, c'est un mec qui a réussi à parler de ce qu'il aime, donc de manière cinématographique, c'est John McTiernan, donc le réalisateur. C'est le mec qui a révolutionné le cinéma d'action. Il a fait Die Hard. Il a fait d'autres trucs que je trouve pas. Mais il a fait Die Hard. il a fait Poursuite d'Octobre Rouge. Tu vois, des trucs comme ça. Et donc, Last Action Hero, c'est par McTiernan, donc toujours. Ça, c'est du cinéma. Hein. Ouais. Et voilà, c'est un film dans le film. Il faudrait faire un docu-fiction. C'est mauvais, ce genre de truc. Genre la BBC, tu vois. Ouais. Et en plus, c'est mal produit, c'est mal joué, tout est moche. On va pas partir là-dessus. Mathias, il part en croisade contre les docu-fictions. Arrête, c'est mauvais. Enfin, c'est un truc pour débiles, sans déconner. À la France 5. Et donc, je suis pas d'accord. Moi non plus. Et cool. Mais c'est hyper mal. Bon, c'est toi, Mathias. Mais. Et donc, c'est un film écrit par Shane Black, donc le mec qui a écrit L'Arme Fatale et Iron Man 3, qui est le film Marvel le plus culotté, je pense, de tous les films Marvel, dans sa structure et dans son climax. Et en fait, il prend tous les clichés et et il a fait un film méta, c'est-à-dire que, enfin, Victor, tu l'as déjà vu, mais en gros, c'est un gamin qui rentre dans un film. Alors, on parle de Last Action Hero. Ouais, Last Action Hero. Perdu, ouais, je parlais d'Iron Man et tout, mais là, on parle de Last Action Hero, donc il y a Schwarzenegger dedans. Quelle autre star d'action pour jouer une star d'action fictive ? En fait, c'est que des clichés de cinéma, sauf que vu qu'ils sont vus par le prisme du cinéma lui-même, ce ne sont pas des clichés. Et en fait, je trouve que pour recadrer dans notre époque, je trouve ça intéressant à mettre en confrontation parce que j'ai l'impression que les producteurs dans Last Action Hero, c'est les gens dans le film et les spectateurs, c'est le gamin. Et c'est un peu le même schéma qu'on a maintenant, c'est-à-dire que nous, on le voit, mais les mecs qui sont dans le film, bah là, c'est les producteurs. Juste pour vous citer un exemple, en gros, le gamin, il rentre dans un supermarché et il dit à Schwarzenegger, non, mais regarde, je sais qu'on est dans un film, il n'y a que des belles meufs à côté de nous. Ouais. Voilà. Et en gros, ça dit tout sur le film, sur le blockbuster, en fait, ça remet tout en cause Hollywood en disant, non mais regarde, c'est nul ton film, c'est pas réel. C'est faux, c'est pas la vie. C'est faux, c'est un blockbuster qui est mal fait. Voilà. Et c'est, voilà. Ça serait pas un petit peu Deadpool avant l'heure ? Ça, c'est extrêmement méta, il y a plus de quatrième mur. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on finit avec un film dans un film dans un film. Il y a trois couches, je crois, je sais plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Bah, il y a un moment quand même où Schwarzenegger parle à Schwarzenegger. Enfin, il y a le perso du film qui est interprété par Schwarzenegger, qui parle au vrai Schwarzenegger. Et bien sûr. Et il y a ce film, il est intéressant aussi parce que la campagne promo, c'est un des premiers films où il y a une campagne promo, mais phénoménale autour du film. Alors, le film a été un échec. Jurassic Hero, ça a été un échec parce qu'il est, en fait, il est sorti la même semaine que Jurassic Park. Et voilà, on sait que Jurassic Park, c'est un peu tout cassé. Mais il y a eu, donc pour la promo, il y a eu un Schwarzenegger géant gonflable qui se baladait dans New York sur un bateau. Il y a eu des flyers qui ont été distribués dans pas mal de villes aux États-Unis. Il y a eu un numéro où tu pouvais parler à Schwarzenegger. Donc, c'était une ligne où tu appelais et il parlait. Et ce numéro était sur une fusée qui a été envoyée dans l'espace, genre exprès pour le film. Enfin, ça a été le... Ils ont perdu un petit peu d'argent, en fait. Un peu beaucoup. Ils ont un peu perdu beaucoup de PIB de pays faisant la promo. Ouais. Mais et je pense que c'est un exemple, c'est le cas extrême. Du blockbuster dans toute sa splendeur, et là j'ai l'impression qu'on revient à la même chose en fait. Donc en fait, ouais, c'est ça. En fait, c'est la grandeur et décadence. J'ai même pour en fait, bah, pour bah, un peu pour conclure le sujet, genre aller voir la Station Hero. Vous voyez la Station Hero parce que c'est vraiment ce qui est. Voir ce que c'est un blockbuster Kleenex. Et maintenant, je vous pose une dernière question, peut-être pour conclure, je sais pas. Non, encore un petit quart d'heure si on veut. C'est quoi le meilleur blockbuster que vous avez jamais vu de votre vie? Ça alors, c'est dur. Je pose la question à Mathias qui a déjà trouvé son film. Moi, je pensais soit au premier Iron Man qui m'avait bien plu, okay. Soit au premier Avenger qui m'avait bien plu aussi. Okay, dans le style super-héros. Hein, et après, autre que super-héros. Autre que super-héros. Je sèche un peu, je me souviens pas trop des trucs. Moi, j'avoue, bah, je vais en parler parce que j'ai le mien là. Moi, c'est Spider-Man 3, mon meilleur blockbuster. Oh, parce non. T'es sérieux, mec? J'ai pas envie... On est reparti pour une heure et demie. Pareil, j'ai pas envie de me justifier parce que j'ai pas forcément envie d'en débattre. On en a déjà beaucoup parlé. On en a déjà beaucoup parlé, je veux dire, entre nous, en off. Et bah, pour moi, c'est ce qui réunit toutes les bonnes choses. Ça se moque de tout. C'est en même temps, il y a de l'action, des explosions. Enfin, il y a tout pour moi. C'est le genre de film qui dure longtemps et qui sont super bien. Moi, c'est vraiment mon film. Ouais, c'est mon blockbuster préféré, je pense, pour l'instant. Et avant d'aller voir des gros, gros films, en plus, il me semble que quand il était sorti, c'était jamais un film n'avait eu autant eu de budget pour le faire. Il me semble que Spider-Man 3 avait battu des records de... Ouais, de non, c'est, tout ça. C'est d'entrée. C'est en France, c'est le record ever, non, je crois. Non, mais pour le faire... Ah, de budget, non. Il me semble qu'il avait battu... Enfin, ouais, il a 200 000, il est passé les 200 000. J'ai pas besoin de me justifier. Ouais. Pour moi, c'est on avait sous-estimé Sam Raimi. Sam Raimi, il a dit... Bah, je vais faire un film encore plus cucu que vous me disiez que vous me... Du coup, il a fait son film cucu et ça donne une scène avec Tobey Maguire qui est ouf. Emo Maguire. Emo Maguire, c'est ouf. Voilà. Le premier pirate des Caraïbes. C'est ton blockbuster? Ah ouais, il est... Ouais, c'est vrai, ouais, qu'il est cool. J'ai un bon souvenir de ça. Alors moi, à la base, je voulais dire Seigneur des Anneaux pour ça, parce qu'après, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des choses qui touchent aussi à la nostalgie. Oui, parce que sinon je dis Star Wars. Hein, tout de suite. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que je vais pas en parler. Alors, j'ai dit un truc, mais c'est aussi pour orienter vers autre chose. Mais moi, ça serait Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Blockbuster français. Toi, tu veux parler de. Ouais, blockbuster français. Bah oui, mais justement. Parce que. Tout ce qu'on cite, c'est très américano-centré. Et parce que le blockbuster, de sa définition, c'est américain. C'est vrai aussi. Mais un film qui a coûté de l'argent. Allez, ça, il m'a cassé, tout le monde est content. Mais non, mais. Ouais. Tu peux. Non, si non, tu... Mais, si, non, mais si on s'en tient à la définition que Victor, ouais. Qui fait le signe de m'avoir non, cassé. Non, c'est rappel qui a dit que c'était américain. Mais c'est parce que. Mais si on reprend notre définition d'un film qui coûte beaucoup d'argent avec des têtes d'affiches, etc. C'était un blockbuster. C'était exactement. Un blockbuster. Oui. Donc voilà, donc je voulais juste ça pour dire qu'on peut aussi faire des films d'argent et qui pourraient être considérés comme des blockbusters. Peut-être que ça n'est pas parce que, oui, les blockbusters, c'est américain, comme dirait Raphaël. Ouais, ouais. Mais, non, mais il y a un blockbuster français que j'aime bien aussi. C'est Le Pacte des Loups, tu vois. C'est un des films c'est les plus chers. Oh merde! Ouais. Non, mais j'aime bien ce film, il défonce, tu vois. Mais moi, je pense au blockbuster vraiment. Je crois que c'est Starship Troopers. Oh. Vraiment. Ok. Voilà. Je suis un peu d'accord avec toi. Ouais, parce que, alors, si j'ai des arguments, c'est que c'est un film d'action. Donc ça plaît aux Américains parce qu'il y a des valeurs patriotiques, mais c'est tellement cynique en fait, ils ont été trop cons pour le voir. Et en fait, un film qui se moque de son propre public, c'est assez culotté, je trouve ça excellent. Parce que même les. Il marche en plus, c'est ça le ouf. Non, il a pas marché, il s'est pris un bide. Ah ouais? Ouais, il s'est pris un méga bide. Et, ouais, et j'en ai un autre, c'est Speed Racer des Wachowski. On parle de méga bide. Ouais. Et ce film est juste excellentissime. Mais ça me fait penser, quand tu parles de Starship Troopers, ça me faisait penser à la stratégie de Lander. Ou d'Ender. Stratégie StarCraft avec Harrison Ford là ? Ouais. Parce que c'est un peu le même concept du truc ultra patriotique contre des aliens. Oui, sauf que là, c'est vraiment patriotique contre des aliens. Ouais, quoi que... Non, c'est plus les enfants soldats dans la stratégie Ender. Oui, Kevin. Et pour faire une dernière partie, on l'a un peu survolé le sujet, mais on pourrait finir là-dessus. C'est ressusciter des vieux, des vieilles sagas, des vieux films, des enfin vieux entre guillemets. Tu veux parler de vieux Disney ? À quoi ça sert d'essayer de faire ressusciter les premières sensations qu'on a eues en voyant un film, une saga, etc. Et je fais aussi un lien avec ce qu'on disait en tout début d'émission, mais avec Terminator Genesis. Pour garder les droits. Ouais, pour garder les droits d'un point de vue purement juridique et économique. Mais moi, j'aimerais lancer un pavé, parce que je n'en ai pas encore fait depuis le début de l'émission, mais dites-vous qu'un jour, il y aura un remake de Retour vers le futur et de Star Wars. Star Wars, ça commence à arriver. Non, c'est pas un remake, mais c'est la suite. Mais c'est quand même, ils parlent vraiment de remake. Là, ils vont faire des univers partagés. On va pas parler de Star Wars, sinon n'importe quoi. Mais il y aura un jour, Victor, il y aura un remake de Retour vers le futur. Retour vers le futur, je suis d'accord. Moi, je suis hypé par ce film. Allez, mais je pense que si y a un remake d'un film qui nous a touché étant très jeune, ça va être terrible. Genre, moi, Star Wars, j'ai très peur, tu vois. Plus ça va, plus j'ai peur. Ouais, là on parle bien de remake et pas de suite. Ouais. Oui, ben ça va. De trucs des années. Maintenant. Mais je pense que c'est pour toucher un nouveau public aussi. Ouais. Et parce que les producteurs américains sont très intelligents et ils pensent que en fait les jeunes ils sont trop cons et ils vont dire oh les effets spéciaux sont datés. Alors que pas du tout, c'est ce qui fait un des charmes du film, tu vois. Je pense au renouveau Robocop. Alors, je dirais peut-être un truc qui vous choque, mais moi j'aime un peu le remake de Robocop. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce que il garde cette démarche de réfléchir sur notre société du point de vue du robot et tout ça. Sauf que là, au lieu d'être. En fait, ça devrait pas s'appeler Robocop, ça devrait s'appeler Robot Apple. Parce que ça réfléchit sur Apple et de où la technologie peut s'immerger dans notre société. Et dans cette démarche-là, en ayant pris conscience que le premier Robocop, c'était pas juste un film d'action, mais aussi un film qui réfléchissait sur son temps et la guerre froide et tout ça. Dans ce truc-là, c'est un bon remake. Mais tu pouvais faire un film qui ressemblait et pas forcément reprendre l'archétype de Robocop. Il n'y avait pas lieu d'être. Tu pouvais faire un film qui critiquait Apple en parlant des drones. Et il parle des drones dans le film. Et y a, c'est quoi ce film-là ? Tu sais, le mec qui a fait Bienvenue à Gattaca, là, qui est sorti sur les drones. Je ne sais pas si tu vois. Andrew Niccol. Ouais, lui. Il a fait un film qui est sorti avant l'été. C'est un mec qui pilote des drones. Je ne sais pas si tu vois ce film. C'est Good Kill, ouais, un truc comme ça. Tu l'as vu ou pas ? Non. Moi non plus. Mais parlons d'un film que personne n'a vu. Mais voilà, il y a des films comme ça qui sortent et ça tombe dans l'oubli parce qu'à côté, il y a la grosse machine remake à côté et c'est juste... Mais il n'y avait pas Judge Dredd qui est sorti... Ouais, mais Judge Dredd, c'est pas un remake, mais ça reste Judge dans... Judge Dredd de Stallone, c'est une adaptation de Judge Dredd, c'est tout. Ouais, mais il est sorti et on n'en a absolument pas entendu parler. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est parce que c'est un film qui n'a pas eu de budget et qui n'y a pas eu de personne assez couillue parce que c'est de la violence, ça veut rien dire. Oui, je suis assez méchant envers le producteur ce soir, mais... Robocop, c'est un peu le même style. Ouais, c'est l'adaptation non officielle Robocop de Judge Dredd. Mais j'ai perdu le fil de ma pensée. Du coup, je vais m'éteindre. il nous a fait une Mathias. Voilà, je me tovaine. Oh, autocitation. Mais ouais, je sais pas, il y a cette vibe nostalgique. Il y a cette vibe nostalgique un peu nulle de remettre les vieux sentiments pour faire plaisir. Enfin, je sais pas, pour moi, l'art, c'est toujours prendre un truc, le faire, dire c'est trop bien. Et qui est la génération d'après qui viennent et qui viennent le piétiner et faire un truc encore mieux. Je sais pas. Ouais, non, je suis. Pour moi, c'est ça ma définition de l'art. L'art, c'est éphémère. Voilà. C'est pas constant renouveau. L'art est comme un papillon. Ouais, c'est un phénix qui renaît de ses cendres. Très poète encore. Ouais, du coup, j'ai autre chose à dire par rapport à ça. Bah non, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Bah vas-y, je t'attends. Non, gros, on est reparti pour 1h50 de plaisir. Ouais, ça sert à rien que je parle sur ça. Vas-y, je l'ai dit juste pour faire chier tout le monde. Pas en gros, c'était quand Lucas avait changé son ses Star Wars, sa version en 97. Mais tu sais, il a pas dit "Ouais, je fais une autre version, vous pouvez regarder l'une des deux." Non, c'est "Je change la version originale." Comme le Christmas Special qui n'existe plus. Du coup, en gros, il a changé la version, du coup, on peut plus regarder les anciennes versions. Si, on peut les regarder, elles existent. Non, mais si, faut retrouver. C'est les Death Specialized Edition. On les propose pas, on propose que la dernière version qui est sortie, avec un solo qui tire le premier, qui tire le deuxième. Parce que c'est là où je veux en venir, c'est là où je veux pas... Enchant Force, on a eu... C'est là où je veux pas... On a eu... Pas trop en parler, sinon ça va faire un... C'était écrit dans le scénario, Enchant First. Ouais, donc, et où veux-tu en venir avec tout ça? Non, mais tu disais que c'était piétiner l'art et... je sais plus ce que tu disais, enfin... Ouais. Les nouvelles générations, elles devaient faire ça. Bah, pour moi, justement, elles doivent prendre une autre matière et essayer de créer quelque chose qui est différent de ce qui s'était déjà fait avant, mais pas avec la même matière... C'est trop con de dire vas-y. Non, mais en soi, on reprend toujours les mêmes choses. Il y a des codes qui restent. Toutes les histoires ont été racontées. Hein. Voilà. Ouais, mais il y a un moment où t'es plus obligé de tirer sur la corde. Genre, quand Creed va sortir, Rocky 5 est sorti il y a super longtemps. Et là, ça y est, comme ils ont étiré la corde sur Rocky, ils se sont dit vas-y, on va faire maintenant un spin-off sur Creed, le fils d'Apollo Creed. Quoi. C'est un peu. C'est pareil, ça va être un blockbuster qui va tomber à la trappe. Quoi. Et je suis sûr que le prochain blockbuster qui va marcher. C'est encore celui qui est sorti là cette semaine. C'est sur les NWA, tu vois. Je suis sûr que ça va être. Straight Outta Compton. Pourtant, c'est pas un film qui sort beaucoup, qui a beaucoup de séances en France. Il est sorti avec super longtemps. Enfin, il y a eu un gros mois de retard, je pense. Mais là, je sais pas si tu es au courant, mais il y a que 260 salles en France qui le projettent. C'est rien du tout. Mmh. Et pourtant, tout le monde en parle. Pas forcément le marketing ni les pubs, et tout le monde va aller le voir ce film, même si moi je vais aller le voir alors que j'ai horreur de. Je sais que ça va être de la merde, mais ça pareil, le pavé. Mais. NWA. C'est là où je me dis, t'es plus obligé d'avoir des blockbusters et des super-héros, de la violence non justifiée, jamais. Oui, il y a encore des alternatives qui existent, mais après, c'est est-ce qu'elles sont soutenues ou non par le public. Et je pense qu'au bout d'un moment, Fantastic Four. Le prouve bien, c'est qu'aller au cinéma, ça devient un acte militant, c'est-à-dire que tu donnes de l'argent pour faire subvenir au vote, en fait. Ouais, c'est ça, tu votes pour quel genre va rester ou non. Et qui va mourir, qui va... Et genre, on va relancer un pavé, mais It Follows, je pense que le succès d'It Follows, ça a fait réfléchir pas mal de gens sur l'importance du film d'horreur, est-ce que ça apporte aux gens, et c'est pas juste un film qui fait peur et qui montre des trucs un peu dégueux. Tain, on va reparler d'It Follows. Mais c'est ouf. Tu vois le deuil qu'il y a sur internet autour de Wes Craven, ça a aussi fait réfléchir les gens sur Il y a un bon réalisateur qui est mort, mais ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'il faut aller voir ses films? Vas-y, je vais regarder ses films pour voir ce qu'il a fait. Et mais c'est toujours comme ça, c'est trop chiant, t'es toujours obligé d'avoir une mode qui arrive en comme ça sur ta gueule pour dire. Ah ouais, il y avait des réalisateurs qui avaient fait d'un film de genre d'un film d'horreur, qui avaient essayé de mettre un peu... De philo, d'un peu de tout. De quelque chose d'important dedans, de quelque chose d'assez personnel. Mm-hmm. Alors que quand tu vas voir Jurassic World, où t'as beau voir des interviews, des trucs qui te disent que le film est personnel, mais pas du tout. Mais pas du tout, il est personnel... pour personne, parce qu'il est personnel pour le producteur. Mais c'est là où ça marche pas, où c'est Blockbuster Kleenex ne marche pas. Mais je pense qu'on peut revenir et faire boucler la boucle. C'est ce que tu disais par rapport aux personnes qui oublient que ces films-là existent. La com les fait oublier. C'est-à-dire que les coms sont tellement importantes pour chaque film qui avance, qu'au final, on oublie ceux d'avant et tous les films qui ont existé. Et Wes Craven, c'est l'exemple. C'est-à-dire que Wes Craven, c'est le gars qui a fait Freddy. En fait, Freddy, c'est intelligent, mais on l'a tellement oublié parce qu'il y a un putain de remake. Et il y a eu, et c'est un genre, l'horreur c'est un genre à part, mais quand il y a des films qui sortent, on les oublie, et parce que les coms sont trop massives, et on oublie finalement, on est hypé par des images, mais pas pour le film entier, et ce que tu disais c'était pertinent, et je pense qu'on peut finir là-dessus, parce que ça fait 1h15 qu'on parle, et du coup ce pavé... va toucher à sa fin. Victor, tu as peut-être une chose à... J'avais une petite idée. Vas-y. Je m'étais dit qu'après chaque pavé, on pouvait faire une liste des films qu'on avait parlé et qu'il fallait voir. Ouais. Les bons films qu'on a cités. Ah, pas mal, c'est pas je pense, par exemple, du coup, allez vous informer sur Watchmen, Mission Impossible 5, Rogue Nation, Last Action Hero qu'on a, qui est vraiment dans le sujet, et il faut vraiment voir. Ça, ouais. Pour comprendre. Et It Follows, allez voir ce meilleur film de tous les temps. Speed Racer. Des Wachowski. Mais on s'en souvient pas. Un seul de mes films. Mais toi, tu Blockbuster, tout le monde les a vus. Ouais, mais toi, t'as dit que les docu-fictions, c'était de la merde. Alors, C'est le cas. On n'allait pas voir les docu-fictions, mais ça, ça vaut que si vous écoutez. C'est un autre débat. Mais oui, surtout insister sur Last Action Hero, qui est vraiment le film, je pense, qui ponctue tout ce qu'on a pu dire dans ce pavé. C'est vraiment pour réfléchir à toute la condition du blockbuster. Last Action Hero, c'est vraiment le blockbuster qui réfléchit sur le blockbuster. Et c'est vraiment très intéressant. Et du coup, ce qu'on peut retenir de ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que en ce moment, c'est surtout des films de super-héros. Qu'il y a aussi une abondance de. Je parle ou pas ? Ouais. Il y a surtout une abondance de remake, de reboot et tout autre mot qui commence par R. Et. Rigolo. Rica. Ricard. Et le film Ricard. Ricard à Mathias. Le gendarme alcoolique. Dédicace à la caserne. Non, on est très respectueux. Ouais. Et non, et voilà. C'est ouais, il y a des reboots, des remakes. Et si vous continuez à aller voir ça, bah il y aura ça, donc venez pas vous plaindre. Donc allez voir les films différents. Donc c'est votre faute en fait. Comment il est méchant que ce bitch. C'est notre faute à tous. Parce qu'on se fait avoir par de la promo et de la pub. Et je pense que maintenant le cinéma, c'est ce qu'on disait, c'est un acte militant. Et choisissez vraiment les films que vous voulez aller voir. Oui. Mais je suis pas d'accord. Mais non, ça marche pas. Enfin, mais si. Mais non. Mais si. Tu veux. Mais si. Tu viens de dire que la promo marchait. Mais non, regarde, on l'a bien vu. Si. Sur Ant-Man, la conclusion la plus longue du monde. Genre c'est. Ça marche pas, tu vois, genre le marketing qui s'est fait. Putain, j'ai vu combien de pubs d'Ant-Man, combien de pubs pour les Fantastic Four. Il y en a plein partout, il y a eu des trucs pour le bus. Et pour pourtant, ça n'a pas marché. C'est bah oui, mais c'est parce qu'il y a eu le bouche à oreille, parce qu'il y en a qui y sont allés quand même et qui ont dit bah c'est de la merde. Et ça s'est répandu à cause des réseaux sociaux. Mais n'allez pas voir, par exemple, je sais pas, n'allez pas voir Paranormal Activity 5 qui sort bientôt. Et privilégiez, je sais pas, Spielberg, Zemeckis pour montrer que vous voulez vraiment des vrais auteurs. Essayez de dénicher des films. Qui montre que voilà quoi, c'est il y a d'autres trucs dans le cinéma que boum boum boum boum fait par des mecs qui enfin par des yes men quoi. On a oublié de parler de ce mot là, mais voilà, donc les yes men c'est les mecs qui sont engagés. Donc faut aller voir des films qui sont un peu autoristes, enfin des blockbusters autoristes en fait. Des quoi? Des blockbusters avec une touche personnelle. Si voilà. OK, d'accord. Pour moi c'est ça. Oui. Mais après il peut y avoir un yes man, il se touche personnelle. Ouais, mais toi t'es généralement non. Ah non, mais ce que je veux ouais, dire. Mais justement, Yes Man est un beauf. Exemple, Paul W.S. Anderson. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, les bruits de bouche qui forment des mots à peu près compréhensibles, c'est Mathias. mais voilà, et c'est au public à prendre conscience. Et je pense qu'il prend conscience. Terminator, ça s'est vu. Pixels, pareil. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que quand c'était de la merde, c'était de la merde. Et la promo servait à rien. Donc voilà. Ouais. Okay. Moi c'est pour moi c'est mon mot de la fin. Voilà. Frère, réfléchissez à ce que vous voyez. C'est ça, faut réfléchir à ce qu'on a envie de voir et même pour les films qui donnent pas envie à réfléchir. Voilà. Mm-hmm. Voilà, c'est une salle. Et du coup c'est il m'a coupé. Ah non, c'est bon. Mets mon micro. Arrêtez de jouer avec le nouveau matériel. Voilà, donc merci. Donc c'est tout pour tout le monde. Quelqu'un a un dernier mot à rajouter? Mathias, tu veux parler de Soul Train ou pas? Non, c'est pas un blockbuster. D'accord. Mais c'est un blockbuster de la télé. Victor, tu voulais dire? J'aimerais demander à ceux qui nous écoutent en fait d'envoyer des trucs, enfin d'envoyer des noms de films qui pour eux qu'on aurait peut-être oublié, des blockbusters, peut-être les blockbusters qui les ont plus marqués ces dernières années, peut-être nous envoyer justement. Ouais, c'est ça, c'est participatif. Enfin, si quelqu'un a une idée de blockbuster qu'on aurait oublié de citer, etc. Du coup, on pourra en parler peut-être la prochaine fois, je sais pas. Mais n'hésitez pas à envoyer des trucs, genre même des blockbusters qui n'ont pas marché, je sais pas. Enfin, voilà. Ouais, c'est le principe aussi, on est là à discuter au calme tous ensemble. Au KLM. Et c'est vraiment dans cette idée de partage. Et c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est à tous de réfléchir à ce qu'on voit, ce qu'on a vu, et ce qu'on veut voir, et ce qu'on verra. Et toute cette démarche, elle part du public en soi. faut arrêter de faire des films pour du pognon et pour des producteurs qui veulent du pognon. C'est un moment, il y a un public qui a des attentes et je le sens, commence à en avoir marre de ce qu'il voit, en tout cas pour certains. Et bah, ça vient de chacun, en fait, c'est cette idée-là. Mais je parlais pour nous, pour le podcast. Oui, pour le oui non, mais en fait, ça rejoint ce qu'on disait en général. Je pensais que tu avais mal compris, du coup. Non, c'est ça. C'est l'amplifier ce que ça permet justement de créer une discussion entre l'esprit plusieurs d'équipe. Personnes. C'est, voilà, c'est ça, c'est l'esprit d'équipe. Et bah, du coup. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez qu'on parle d'un sujet, justement, aussi... Envoyez-nous le sujet et on en parlera. Si, et si vous avez une problématique, je sais pas, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois, ça pourrait être cool. Moi, je trouve ça plus cool. J'ai l'impression qu'on est plus... Enfin, j'ai l'impression qu'on est... Non, je trouve ça intéressant et je trouve ça plus productif de ce qu'on a fait. Si vous aussi, vous nous trouvez productif et que vous avez envie de nous entendre sur un sujet, bah, je sais pas, envoyez-nous des trucs. Voilà, je répète 50 fois la même chose, c'est super intéressant. Oui, c'est la conclusion la plus longue de l'histoire. Mais c'est très bien. Comme le baston de l'invasion Los Angeles. Ça reste un pilote, donc voilà. Tout... Allez voir là. The Livre de Carpenter. Ça reste un pilote, donc tout est corrigeable, tout est modifiable encore. On ne sait pas où on va. On sait d'où on vient, j'ai l'impression de faire une chanson que pourrait chanter Chimène Badi. Ah, je sais ce qu'on peut faire pour la fin. Est-ce qu'on ne mettrait pas tous un pavé pour la fin, genre, moi, je dis par exemple, le plus gros pavé, je pense que Booba, c'est le nouveau Jacques Brel de la chanson française. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Voilà. Le cri de guerre de Raphaël, moi, j'ai pas de pavé. T'as pas de pavé? Mathias, t'as un pavé? Non. Voilà, ça, c'était mon pavé apparent. C'était son petit cri. Tu peux nous la refaire, s'il te plaît? Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Voilà, c'était un crossover entre un rapteur et Luigi qui s'est fait mordre aux fesses. Et moi, j'ai envie de dire que si en France, on continue de nous mettre des humoristes comme des acteurs, bah, au bout d'un moment, bah, les boulangères vous feront des opérations à cœur ouvert. Fuck le vizir. Fuck le vizir. Bon, on peut conclure sur ça, non? Fuck le vizir. Fuck le vizir. Au revoir à tout le monde. À la semaine prochaine, si Toulouse n'est pas arrivé sur Terre, hein, bien sûr, toujours tout ça. Et fuck le vizir. Bisous. Bisous, au revoir. Ciao. Ciao. Bisous. Ciao. Bisous. Bra. Bisous. Ah, vas-y, roupe. Ah, viens. Ah, vas-y. Mais c'est où? On va garer une essai. Schneider,